Chanson. Joue du synthé, il joue du dédis toute la journée. Il s'en fout du temps qui passe, il n'a rien à faire. Il est tranquille, allongé sur son clavier. Il est dit, j'y peux. Y'a Benji qui l'a vu s'envoler. Un petit genre de temps en temps, ça fait du bien dans la tête. On oublie les soucis et tous ces brigands. Tu sais, mon télé, c'est pas chouette. Il est libre, j'y paie. Il est libre. Thank you. 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。Gaffe à mettre la pizza. Ça, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de boucler un truc. Est-ce qu'on peut boucler là, hein?